Psy. Les mêmes sont bizarres, on va faire le mot du cœur. On perd nos pragmas. Camp Psy. Les mêmes sont bizarres, on va faire le mot du cœur. On perd nos pragmas. Let's go, pour le dernier souffle, respire. Car on vient de priver d'oxygène et en même temps ton empire. Le dernier souffle, pour dire aux miens que je les aime. Le dernier souffle, twister, pour évacuer tout ce qui me gêne. J'amène mes gars à l'offensive. Contre les pites et rôtes sans isolaire, je viens saigner leurs gencives et pas tentative. Derrière mon dos, car dans les francs, les morts se succèdent. Putain, mauvaise tentative. Là où le bonheur nous côtoie, le malheur doit être boycotté. Viens là où le ciment remplace l'étain, pour avoir le cœur souillé de toute façon. Les miens se doutent que la machine psychiatre est lâchée. Donc retiens la date, en gros cesse de défavoriser ces mecs en défaut. Ceux qui défient, c'est fou et qui les défait. Basta aux flingueurs qui se croivent libres. Dis-toi qu'on est des hommes à la même couille, mais pas du même calibre. 4 psy, arrivant du plan down si. 4 psy, pour les râleurs sont de sortie. 4 psy, arrivant du plan Dao City. 4 psy, pour les râleurs sont de sortie. Yeah, la main à la place de la langue. FNMC veulent que je crève d'épilepsie pour que j'ai plus de langue. Donnerai une bouche, vise mon coup de langue. Garde mon boulot fier, je suis. Ma tête pas une mongolfière, mon rap mongolfière. Stopper les mongolfières qui se fichent d'un baba, bordélique ambulant. Y'a pas que sur les postes que les pistes créent. Comme Wyclef appelle les ambulances. Pour ces chiens qui m'ont pris pour un os, m'ont léché pour m'enterrer. Car quand je rappe, je foque plus que sur du mérinos. Je rappe pour ceux qui gassent comme les bouteilles de la Corse, mais sans un clou. Pour ceux dont l'avenir est au tapis, comme ces maclous. Ces gosses d'HLM qui dorment dans des igloos. Qui rêvent d'être professionnels comme Mob. Dans DJ Clou, on cloue le bec à ceux qui nous prennent pour des Jordi. On te l'a déjà dit, la mort nous court sans prendre de caddie. Donc pas le temps à perdre avec des broutilles. Psychiatre est sorti, si tu te frottes à nous on te trappe avec des orties. 4 psy, arrivant du plan Dao City. 4 psy, pour les râleurs sont de sortie. 4 psy, arrivant du plan Dao City. 4 psy, pour les râleurs sont de sortie. 4 psy, la psychiatre arrivant du plan 2002, 2003. 4 psy, faut que ça marche. Pour les râleurs sont de sortie. 4 psy, arrivant du plan City. 4 psy, pour les râleurs sont de sortie. Ravale ta salive et mate la rafale qu'arrive. Au mic des MC Calif, ne sortez pas vos canifs. On active seulement le rap comme salif. Tous ensemble on est vifs, jeune massif. L'arbitif, big un sur la défensive. Les gencives serrées, le collectif. C'est les nouveaux philos, c'est les mecs du réseau. C'est les mecs de la Castellane qui attendent voir l'album sous code barre. Pour tous les râleurs de France, psychiatre, c'est le départ.